regard est personnel, voire un peu égoïste, mais je veux planer de mes propres ailes. Je connais les risques du plus profond de ma chair. J'ai trouvé un but, profiter de cet enfer avant que ce ne soit ma chute. J'écris des rimes, j'écris des vers, comme un chien en rut, trim dans mon univers pour piner la vie comme une. Je ne suis plus du tout vénère, j'ai trouvé mon chemin. Je suis là, à la pépère, au milieu des requins. Toujours été solitaire, même si j'aime mes frangins. On vit pas sur la même terre, pourtant ils me le rendent bien. Excusez-moi d'être bizarre, de ne pas toujours être sérieux, mais dans ma tête c'est le bazar, je vais toujours faire pour deux. Festoyons au milieu des flammes, dans cette porcherie. Je ne vois pas du tout le drame, on fait tous des conneries. Et si l'avenir nous condamne, le présent sera réussi. C'est maintenant, messieurs et dames, qu'il faut profiter de la vie. J'ai laissé tomber mon gun, me suis armé de patience. La vie n'est-elle pas plus fun quand on la graille, quand on la science. Respirez car il est l'heure de changer d'optique, goûter de nouvelles saveurs autres que médiatiques. L'avenir nous appartient, et qui en profite? Désolé si je ne détiens pas les clés de la réussite. Avec mes petits moyens, je suis déjà au top. Je suis déjà trop loin quand j'officie dans mon hip-hop. Me sens bien dans mon trip, me sens bien avec mon joint. La musique me donne la pipe comme si c'était un gros vagin. Excusez-moi d'être grossier, un peu trop explicite, mais j'en ai marre de censurer mon côté excentrique. Faut que ça sorte, faut que je crache ce que j'ai dans le beat, peu importe, faut que je lâche mes idées sordides. Ce monde est sale comme mon texte, pourtant il est soigné. Et sorti de son contexte n'a plus grand intérêt. Je veux pas d'une vie d'artiste, j'en ai rien la foutre. J'ai toujours fait du hors-piste, exploré de nouvelles routes depuis l'époque marginale. Bah ouais, rien n'a changé, j'ai toujours ce côté bestial, ce côté dérangé. Bienvenue dans mon rap, allez fais comme chez toi. Installe-toi sur le canap' ou bouge ton putain de bras. Il est l'heure des tout frac, que les mots volent en éclats. J'casse la baraque, te mets dans tous tes états.